إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ما بعد. On continue la lecture, la traduction du tafsir de Cheikh Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah. De la semaine dernière, on avait commencé l'explication de Surat al-Qamar, appelée également Surat Iqtarabat, qui est une Surat mécoise. Et on avait terminé d'expliquer le 17e verset. ثم قال تعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Donc Allah Azza wa Jal dit dans les versets 18 à 22 de Sourate Al-Qamar, selon le sens, les Ad ont traité de menteurs, c'est-à-dire leurs messagers. Comment furent donc mon châtiment et mes avertissements? Certes, nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial, en un jour néfaste et interminable. Il arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinées. Comment furent donc mon châtiment et mes avertissements? En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? قال الشيخ السعدي رحمه الله وعاد وهي قبيل وهي القبيلة المعروفة باليمن أرسل الله إليهم هودا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته فكذبوه فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا أي شديدة جدا في يوم نحس أي شديد العذاب والشقاء عليهم مستمر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما تنزع الناس من شدتها فترفعهم إلى جو السماء ثم تدفعهم بالأرض فتهلكهم فيصبحون كأنهم أعجاز نخل منقعر أي كأن جثثهم بعد هلاكهم مثل جذوع النخل الخاوي الذي أصابته الريح فسقط على الأرض فما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره فكيف كان عذابي ونذر كان والله العذاب الأليم والنذارة التي ما أبقت لأحد عليه حجة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كرر تعالى ذلك رحمة بعباده وعناية بهم حيث دعاهم إلى ما يصلح دنياهم وأخراهم. Donc Cheikh Saadi rahimahullah dit en expliquant ces versets 18 à 22 quant à Ad. Car Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a parlé des polythéistes qui ne croyaient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que la lune se soit fendue, et ceci était un miracle accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré cela, ils n'ont pas cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Azza wa Jal leur a cité le devenir et ce qui est advenu aux peuples qui les ont précédés. Donc Allah Azza wa Jal a commencé à parler de Nuh alayhi salam et son peuple. Et ensuite, Allah Azza wa Jal parle de Ad. Et Ad, comme le dit Cheikh Saadi, c'est cette tribu connue du Yémen. Allah Azza wa Jal leur a envoyé son prophète Hud alayhi salam, qui les a appelés à l'unicité d'Allah Azza wa Jal et à son adoration. Mais ils l'ont traité de menteur. Allah Azza wa Jal a alors envoyé contre eux un vent violent et glacial, c'est-à-dire un vent extrêmement dur. En un jour néfaste, fi yawmi nahs, c'est-à-dire un jour dans lequel ils ont subi un châtiment extrêmement douloureux et pénible, mustamir, et ce jour était interminable. Comme le dit Allah Azza wa Jal dans un autre verset de sourate Al-Haqqah, سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا. Ce vent s'est abattu sur eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. تَنْزِعُ النَّاسِ. Il arrachait les gens. C'est-à-dire, ce vent était tellement violent et tellement dur qu'il soulevait les gens. Il les élevait dans le ciel, puis il tombait à même le sol et mourait. Et ils étaient, en retombant sur le sol, comme des souches de palmiers déracinés. C'est-à-dire que leurs cadavres étaient comparables au tronc d'un palmier qui est évidé et donc qui tombe à même le sol. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ. Comment furent donc mon châtiment et mes avertissements? Et Cheikh Saadi dit, ils sont par Allah le châtiment douloureux et les avertissements qui ne laissent aucune preuve en faveur de celui qui a été averti. Donc ici, Allah Azza wa Jal pose une question. Et on avait vu la semaine dernière que Allah Azza wa Jal pose cette question en guise de réprimande. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ. Comment furent donc mon châtiment et mes avertissements? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Allah Azza wa Jal répète cela, et le répétera plusieurs fois dans le cours de cette sourate, en guise de miséricorde envers ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala, car il les appelle à ce qui leur est profitable dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, à savoir de se cramponner au Coran, de l'apprendre, d'apprendre ses termes et d'apprendre ses sens également. ثم قال تعالى كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرْ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Donc Allah Azza wa Jal dit, dans les versets 23 à 32 de Sourate Al-Qamar, dans les versets 23 à 32 de Sourate Al-Qamar, les Thamoud ont traité de mensonges les avertissements. Ils dirent, allons-nous suivre un seul homme, qui est Salih alayhi salam, d'entre nous-mêmes, nous serions alors dans l'égarement et la folie. Est-ce que le message a été envoyé à lui à l'exception de nous tous? C'est plutôt un grand menteur plein de prétention et d'orgueil. Demain ils sauront qui est le grand menteur plein de prétention et d'orgueil. Nous leur enverrons la chamelle comme épreuve. Surveille-les donc et sois patient, et informe-les que l'eau sera en partage entre eux et la chamelle, chacun boira à son tour. Puis ils appelèrent leurs camarades qui prit, c'est-à-dire son épée, et tua, c'est-à-dire la chamelle. Comment furent donc mon châtiment et mes avertissements? Nous lâchâmes sur eux un seul cri, et voilà qu'ils furent réduits à l'état de paille d'étable. Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? الشيخ السعدي رحمه الله دي أي كذب الثمود وهم القبيلة المعروفة المشهورة في أرض الحجر نبيهم صالح عليه السلام حيث دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأنذرهم العقاب إنهم خالفوه فكذبوه واستكبروا عليه وقالوا كبرا وتيها بشرا منا واحدا نتبعه أي كيف نتبع بشرا لا ملكا منا لا من غيرنا ممن هو أكبر عند الناس منا ومع ذلك فهو شخص واحد إن إذا أي إن اتبعناه وهو بهذه الحال لفي ضلال وسعر أي إنا لضالون أشقياء وهذا الكلام من ضلالهم وشقائهم فإنهم أنفوا أن يتبعوا رسولا من البشر ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر والحجر والصور ألقي الذكر عليه من بيننا أي كيف يخصه الله من بيننا وينزل عليه الذكر فأي مزية خصه من بيننا وهذا اعتراض من المكذبين على الله لم يزالوا يدلون به ويصولون ويجولون ويردون به دعوة الرسل وقد أجاب الله عن هذه الشبهة بقول الرسل لأممهم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فالرسل من الله عليهم بصفات وأخلاق وكمالات بها صلحوا لرسالات ربهم واختصاصه والاختصاص بوحيه ومن رحمته وحكمته أن كانوا من البشر فلو كانوا من الملائكة لم يمكن البشر أن يتلقوا عنهم ولو جعلهم من الملائكة لعاجل الله المكذبين لهم بالعقاب العاجل والمقصود بهذا الكلام الصادر من ثمود لنبيهم صالح تكذيبه نعم. Donc ici, le Cheikh Saadi rahimahullah dit en expliquant les versets 23 à 32 de Surat Al-Qamar, c'est-à-dire que Thamoud, qui est cette tribu connue dans la terre de l'Hijr, et la terre de l'Hijr se situe à notre époque au nord-ouest de l'Arabie Saoudite dans la région de Tabouk. Et c'est notamment là-bas qu'il y a encore des vestiges des demeures de Thamoud. Leur prophète était Salih alayhi salam. Lorsque Salih alayhi salam a appelé son peuple à adorer Allah seul et à ne rien lui associer, il les a avertis du châtiment d'Allah azawajal s'ils ne le suivaient pas. Thamoud, le peuple de Salih, l'ont traité de menteur. Et se sont enorgueillis vis-à-vis de lui. Et ils ont dit, par orgueil et par arrogance, « Abasharum minna wahidan tabi'u »« Allons-nous suivre un seul homme d'entre nous-mêmes » C'est-à-dire, comment pouvons-nous suivre un seul homme parmi nous ? Ce n'est pas un ange parmi nous, ou on pourrait comprendre, ce n'est pas un roi parmi nous. Il n'est ni roi parmi nous, ni roi chez autre que nous. Il n'a donc pas de statut supérieur au nôtre. Et en plus de cela, c'est une seule et unique personne. Inna idhan, nous serions alors, c'est-à-dire si nous le suivons dans cet état, alors nous serions alors dans l'égarement et la folie. C'est-à-dire que si nous le suivons alors que la situation est telle que décrite, nous serons alors des égarés, des malheureux. Et cette parole qui a émané du peuple de Salih, alayhi salam, montre leur égarement et montre le mal dans lequel ils sont. Car ils se plaignent de suivre un prophète parmi les êtres humains, mais ne se plaignent pas d'adorer des arbres, des pierres et des représentations. أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. Puis ils ont dit, est-ce que le message a été envoyé à lui, c'est-à-dire à Salih alayhi salam, à l'exception de nous tous? C'est-à-dire que le message d'Allah a été envoyé à lui exclusivement et à personne d'autre parmi nous. C'est-à-dire, comment Allah Azzawajal a-t-il pu le désigner et le spécifier pour recevoir le rappel alors que nous sommes présents? Quelle est la caractéristique qui le démarque de nous et qui le différencie de nous? Et ceci est une contradiction et c'est un prétexte que apportent souvent ceux qui traitent de mensonges les prophètes. C'est un argument qu'ils utilisent sans cesse et par lequel ils rejettent l'appel des prophètes et envoyés d'Allah. Allah Azza wa Jal a répondu à cette ambiguïté lorsqu'il a ordonné à ses prophètes, alayhim salam, de répondre et de dire à leur peuple, comme Allah Azza wa Jal nous le cite dans Sourate Ibrahim, selon le sens, le verset 11, leurs prophètes ont dit, nous ne sommes que des êtres humains comme vous, mais Allah privilégie qui il veut parmi ses serviteurs. Allah Azza wa Jal privilégie qui il veut parmi ses serviteurs. Ainsi, les prophètes, les envoyés, Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés de bienfaits en faisant en sorte qu'ils soient dotés de caractéristiques, en faisant en sorte qu'ils aient un comportement immense qui fait en sorte qu'ils puissent mener à bien le message de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et cela fait en sorte qu'il mérite de recevoir la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi la miséricorde et la sagesse d'Allah azza wa jal, le fait qu'Allah azza wa jal ait fait que les prophètes et envoyés soient des êtres humains. Car si les prophètes et envoyés étaient des anges, les êtres humains n'aurait pas pu prendre de la science. Et si Allah Azza wa Jal avait fait en sorte que les envoyés des prophètes soient des anges, Allah Azza wa Jal aurait châtié immédiatement ceux qui n'auraient pas cru en eux. Car le fait qu'un prophète soit un ange, cela, Allah Azza wa Jal n'aurait pas accepté qu'il soit traité de menteur. Et Allah Azza wa Jal n'aurait pas accepté que l'on ne croit pas en leur message. Et le châtiment aurait été immédiat. Or, Allah Azza wa Jal a châtié les peuples qui ont traité de menteurs leurs prophètes après maintes et maintes avertissements. Après maintes et maintes avertissements, comme ce fut le cas pour Nuh alayhi salam, pour Hud, pour Salih, pour Lot, etc. Nuh alayhi salam a appelé son peuple notamment pendant 950 années. ثم قال رحمه الله والمقصود بهذا الكلام الصادر من ثمود لنبيهم صالح تكذيبه ولهذا حكموا عليه بالحكم الجائر فقالوا بل هو كذاب أشر أي كثير الكذب والشر فقبحهم الله ما أسفه أحلامهم وأظلمهم وأشدهم مقابلة للصادقين الناصحين بالخطاب الشنيع لا جرم عاقبهم الله حين اشتد طغيانهم فأرسل الله الناقة التي هي من أكبر النعم عليهم آية من آيات الله ونعمة يحتلبون من ضرعها ما يكفيهم أجمعين فتنة لهم أي اختبارا منه لهم وامتحانا فارتقبهم واصطبر أي اصبر على دعوتك إياهم وارتقب ما يحل بهم أو ارتقب هل يؤمنون أو يكفرون ونبئهم أن الماء قسمة بينهم أي أخبرهم أن الماء أي موردهم الذي يستعذبونه قسمة بينهم وبين الناقة لها شرب يوم ولهم شرب يوم آخر معلوم كل شرب محتضر أي يحضره من كان قسمته من كان قسمته ويحضر على من ليس بقسمة له فنادوا صاحبهم الذي باشر عقرها الذي باشر عقرها الذي هو أشقى القبيلة فتعاطى أي انقاد لما أمروه به من عقرها فعقر فكيف كان عذابي ونذر كان أشد عذاب أرسل الله عليهم صيحة ورجفة أهلكتهم عن آخرهم ونجى الله صالحا ومن آمن معه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Donc le but de la parole du peuple de Salih, parole de Thamud, les paroles qu'ils ont proférées à l'encontre de Salih alayhi salam, le but de ces paroles était de traiter de mensonge et de menteur Salih. C'est pour cela qu'ils l'ont jugé par ce jugement injuste lorsqu'ils ont dit بل هو كذاب أشر. C'est plutôt un menteur plein de prétention et d'orgueil. C'est-à-dire que c'est une personne qui ment beaucoup et qui a beaucoup de mal. Puis Cheikh Saadi dit qu'Allah les en laidisse. Comment est vil et comment est injuste les paroles qu'ils ont prononcées. Ils ont répondu à la véracité à celui qui leur veut le bon conseil par des expressions horribles. Nul doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés lorsque leur mal s'est accru. Allah azza wa jal leur a envoyé une chamelle qui faisait partie des plus grands bienfaits qui leur a été accordé. Cette chamelle était un signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un bienfait d'Allah pour eux. Ils buvaient de son lait et cela suffisait à l'ensemble de leur peuple. Fitnatan lahum. Allah Azza wa Jal leur a apporté et leur a donné cette chamelle comme épreuve pour eux. C'est-à-dire comme moyen de les tester. Fartaqibhum wastabir. Surveille-les donc et patiente. Donc ici, Allah Azza wa Jal s'est adressé à Salih. Surveille-les donc et patiente. C'est-à-dire patiente dans l'appel que tu leur fais. Et surveille ce qui va leur advenir. Ou bien alors, le sens est surveille s'ils seront croyants ou mécroiront-ils. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ et informe-les que l'eau sera le partage entre eux et la chamelle. C'est-à-dire, informe-les que l'eau, c'est-à-dire la source d'eau qu'ils utilisent, sera partagée entre eux et la chamelle. لها شرب يوم. La chamelle boira de cette eau un jour et eux boiront de cette eau l'autre jour. كل شرب محتضر. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, chacun boira à son tour. Un jour, ce sera la chamelle et l'autre jour, ce sera Thamoud. C'est-à-dire que se présentera celui pour qui ce sera le tour, se présentera pour boire et pour puiser de cette eau, et sera interdit, cette eau sera interdite pour ceux pour qui ce n'est pas le tour. Et c'est, et le peuple de Thamoud, dans tous les cas, profite des bienfaits d'Allah. Car le jour où ils ne boiront pas l'eau, où ils ne profiteront pas de l'eau, ils profiteront de du lait de la chamelle. Donc, quel que soit le jour dans lequel ils seront, ils bénéficieront des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ont-ils décidé ? فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ Ils appelèrent leur camarade, c'est-à-dire celui qui a tué la chamelle, qui était le pire d'entre eux. الَّذِي هُوَ أَشْقَ الْقَبِيلَةِ فَتَعَاطَ Il a pris, c'est-à-dire il a pris son épée et s'est soumis à l'ordre de son peuple de tuer cette chamelle. فَعَقَرْ Et la tua. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ Comment furent donc mon châtiment et mes avertissements ? La Cheikh Saadi dit, c'était le châtiment le plus douloureux. Allah Azza wa Jal envoya sur eux un seul et énorme cri qui les extermina tous jusqu'au dernier. Et Allah Azza wa Jal a préservé et a sauvé Salih ainsi que ceux qui ont cru avec lui. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ? ثُمَا قَالَ تَعَالَى كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرْ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ Puis Allah Azza wa Jal dit selon le sens dans les versets 33 à 40. Le peuple de Lot traita de mensonges les avertissements. Nous lâchâmes sur eux un ouragan, excepté la famille de Lot, que nous sauvâmes avant l'aube, à titre de bienfait de notre part, ainsi récompensons-nous celui qui est reconnaissant. Il les avait pourtant avertis de nos représailles, mais ils mirent les avertissements en doute. En effet, ils voulaient séduire ces hôtes, nous aveuglâmes leurs yeux, goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. En effet, au petit matin, un châtiment persistant les surprit. Goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ? قال الشيخ السعدي رحمه الله أي كذبت قوم لوط لوطا عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن الشرك والفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين فكذبوه واستمروا على شركهم وقبائحهم حتى إن الملائكة الذين جاءوه بصورة أضياف حين سمع بهم قوم لوط جاءوهم مسرعين يريدون إيقاع الفاحشة فيهم لعنهم الله وقبحهم وراودوه عنهم فأمر الله جبريل عليه السلام فطمس أعينهم بجناحه وأنذرهم نبيهم بطشة الله وعقوبته فتماروا بالنذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر قلب الله عليهم ديارهم وجعل أسفلها أعلاها وتتبعهم بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك للمسرفين ونجى الله لوطا وأهله من الكرب العظيم جزاء لهم على شكرهم لربهم وعبادته وحده لا شريك له. Il dit, rahimahullah, en expliquant les versets 33 à 40 de Sourate Al-Qamar, la lune. C'est-à-dire que le peuple de Lot traita de mensonge, c'est-à-dire Lot alayhi salam. Et le traitèrent de menteurs lorsqu'il les a appelés à l'adoration d'Allah seul sans ne rien lui associer. Lorsqu'il leur a interdit de commettre le polythéisme et la turpitude qu'ils commettaient, une turpitude que personne avant que personne, à laquelle personne ne les a précédés. Lorsqu'ils avaient des rapports avec des hommes. Lorsqu'ils avaient des rapports entre hommes, wal'iyadu billah. Ils ont traité de menteur Lot alayhi salam et ont persisté dans leur polythéisme et dans leur péché immonde. Au point même que lorsque les anges sont venus à Lot alayhi salam sous forme humaine et en étant les invités de Lot alayhi salam, lorsque le peuple de Lot a entendu parler de leur arrivée, ils se sont précipités à leur rencontre et ils voulaient faire avec eux ce péché ignoble. Qu'Allah les maudisse et qu'il les enlaidisse. Il voulait séduire les invités de Lot alayhi salam. Allah azza wa jal ordonna alors à Jibril alayhi salam d'aveugler leurs yeux par ses ailes. Et Lot alayhi salam a mis en garde son peuple contre les représailles d'Allah et contre ses châtiments. Fatamarou bin nuzur, mais ils mirent les avertissements en doute. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. En effet, au petit matin, un châtiment persistant les surprit. Allah Azza wa Jal retourna sur eux leur demeure et a retourné leur maison sans dessus-dessous. S'en sont suivies des pierres d'argile, les unes après les autres. Et ces pierres portaient une marque connue de ton Seigneur, et elles ne sont pas loin des injustes. Allah Azza wa Jal a préservé son prophète Lot alayhi salam, ainsi que ses proches de la grande angoisse, ceci en guise de récompense, de par la reconnaissance qu'ils avaient envers leur Seigneur subhanahu wa ta'ala en l'adorant seul sans ne rien lui associer. ثم قال تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Allah Azza wa Jal dit dans les versets 41 à 50, dans les versets 41 à 55 de Sourate Al-Qamar, les avertissements vinrent certes aux gens de Pharaon. Ils traitèrent de mensonges tous nos prodiges. Nous les saisîmes donc de la saisie d'un tout-puissant omnipotent. Vos mécréants sont-ils meilleurs que ceux-là? Ou bien y a-t-il dans les Écritures une immunité pour vous? Ou bien ils disent, nous formons un groupe fort et nous vaincrons. Leur rassemblement sera bientôt mis en déroute et ils fuiront. L'heure, plutôt, sera leur rendez-vous et l'heure sera plus terrible et plus amère. Les criminels sont certes dans l'égarement et la folie. Le jour où on les traînera dans le feu sur leur visage, et on leur dira « Goûtez au contact de Saqar ». Nous avons créé certes toutes choses avec Qadar, et notre ordre est une seule, c'est-à-dire parole. Il est effectif comme un clin d'œil. En effet, nous avons fait périr des peuples semblables à vous. Y a-t-il quelqu'un pour s'en souvenir? Et tout ce qu'ils ont fait est mentionné dans les registres, et tout fait petit et grand, et consignés. Les pieux seront certes dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي ولقد جاء آل فرعون أي فرعون وقومه النذر فأرسل الله إليهم موسى الكليم وأيده بالآيات الباهرات والمعجزات القاهرات وأشهدهم من العبر ما لم يشهد عليه أحدا غيرهم فكذبوا بآيات الله كلها فأخذهم أخذ عزيز مقتدر فأغرقهم في اليم هو وجنوده والمراد من ذكر هذه القصص تحذير الناس والمكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال أكفاركم خير من أولئكم أي هؤلاء الذين كذبوا أفضل الرسل خير من أولئك المكذبين الذين ذكر الله هلاكهم وما جرى عليهم فإن كانوا خيرا منهم أمكن أن ينجوا من العذاب ولم يصبهم ما أصاب أولئك الأشرار وليس الأمر كذلك فإنهم إن لم يكونوا شرا منهم فليسوا بخير منهم أم لكم براءة في الزبر أي أم أعطاكم الله عهدا وميثاقا في الكتب التي أنزلها على الأنبياء فتعتقدون حينئذ أنكم الناجون بإخبار الله ووعده وهذا غير واقع بل غير ممكن عقلا وشرعا أن تكتب براءتهم في الكتب الإلهية المتضمنة للعدل والحكمة فليس من الحكمة نجاة أمثال هؤلاء المعاندين المكذبين لأفضل الرسل وأكرمهم على الله فلم يبق إلا أن يكونوا بهم قوة ينتصرون بها فأخبر تعالى أنهم يقولون نحن جميع منتصر قال تعالى مبينا لضعفهم وأنهم مهزومون سيهزم الجمع ويولون الدبر فوقع كما أخبر هزم الله جمعهم الأكبر يوم بدر وقتل من صناديدهم وكبرائهم ما ذلوا به ونصر الله دينه ونبيه وحزبه المؤمنين وكل جي رحمه الله En expliquant ces versets 41 jusqu'à la fin de Sourate Al-Qamar, وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ. Les avertissements vinrent certes aux gens de Pharaon, c'est-à-dire à Pharaon et à son peuple. Allah Azzawajal leur a envoyé Moussa alayhi salam. Allah Azzawajal a soutenu Moussa par des signes admirables et par des miracles qui soumettent, c'est-à-dire qui soumettent celui qui les contemple et celui qui y assiste à la soumission à Allah Azzawajal. Mais ils ont traité de mensonges les signes d'Allah, tous les signes d'Allah. Et Allah Azzawajal les saisir donc de la saisie d'un tout-puissant omnipotent. Et Allah Azzawajal les fait noyer dans les flots, lui, Pharaon, ainsi que son armée. Le but de raconter ces histoires est le fait de mettre en garde les gens et ceux qui ont traité de menteurs Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit أَكُفَّارُكُمْ خَيْرُ مِنْ أُولَئِكُمْ. Vos mécréants sont-ils meilleurs que ceux-là? C'est-à-dire vous qui traitez de mensonge Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, êtes-vous meilleurs que ceux qui ont traité de mensonge les prophètes auparavant? C'est-à-dire ceux qui ont traité de menteurs le meilleur des prophètes, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sont-ils meilleurs que ceux qui ont traité de mensonges les prophètes auparavant? Ceux dont Allah Azza wa Jal nous a informés de leur extermination et de ce qui leur est advenu? S'ils sont meilleurs qu'eux, alors ils peuvent espérer d'être sauvés du châtiment. Et ils ne seront pas touchés par ce qui a touché ces mauvaises personnes qui les ont précédés. Or, la situation n'est pas ainsi. S'ils ne sont pas pires qu'eux, ils ne sont pas meilleurs qu'eux. Et la réalité est qu'ils sont pires, car ils ont traité de menteurs le meilleur des prophètes d'Allah. Puis Allah Azza wa Jalla dit Am lakum bara'atun fi zubur. Vos mécréants sont-ils meilleurs que ceux-là? Ou bien y a-t-il dans les Écritures une immunité pour vous? C'est-à-dire, ou bien alors, si vous n'êtes pas meilleur qu'eux, Allah Azza wa Jalla vous a-t-il donné un engagement dans les livres qui a révélé au prophète un engagement qui ne vous châtiera pas. Et ainsi, vous pourriez penser que vous seriez épargné du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala de par cette information qu'Allah aurait citée dans son noble livre et cette promesse qu'il vous aurait faite. Or, ceci n'a pas lieu. Ceci n'a pas eu lieu. Et ceci ne peut avoir lieu. Et cela ne peut être ni rationnel, ni accepté par la religion. Le fait que leur immunité soit inscrite dans les livres divins, des livres divins qui sont basés sur la justice et la sagesse. Or, ne fait pas partie de la sagesse le fait que des personnes comme celle-ci, entêtées et qui traitent de menteurs les meilleurs des prophètes et les plus honorés auprès d'Allah Azza wa Jal, il ne fait pas partie de la sagesse que des personnes dont l'état est ainsi soient sauvées du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le Cheikh Saadi dit « فَلَمْ يَبْقَى إِلَى أَنْ يَكُونَ بِهِمْ قُوَّةً. Il ne reste donc comme possibilité qu'ils aient une force par laquelle ils pourraient vaincre. Allah Azza wa Jal informe qu'ils disent « نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ. nous formons un groupe fort et nous vaincrons. Allah Azzawajal, pour montrer leur faiblesse et qu'ils seront vaincus, a dit « Sayuhzamu al-jam'u wa yuwalluna dubur » C'est-à-dire que leur rassemblement sera bientôt mis en déroute et ils fuiront. Et effectivement, c'est ce qui a eu lieu, ce qu'Allah Azzawajal a informé et ce qui a eu lieu lorsqu'Allah Azzawajal a mis en déroute le rassemblement des polythéistes, le grand rassemblement des polythéistes lors de la bataille de Badr, où les polythéistes se sont réunis et ont formé un grand nombre de combattants. Pendant cette bataille de Badr, qui s'est soldée par la victoire des musulmans, pendant cette bataille de Badr, ont été tués des têtes, des dirigeants de Quraysh. Ceci a provoqué leur humiliation. Et Allah Azzawajal a donné victoire à sa religion, à son prophète et aux croyants. Wa ma'a dhalik, فَلَهُمْ مَوْعِدٌ يَجْمَعُ بِهِ أَوَّلَهُمْ وَآخِرَهُمْ وَمَنْ أُصِيبَ فِي الدُّنْيَا مِنْهُمْ وَمَنْ مُتِّعَ بِلَذَّاتِهِ وَلِهَذَا قَالَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ الَّذِي يُجَازَوْنَ بِهِ وَيُخَذْ مِنْهُمُ الْحَقُّ بِالْقِسْطِ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرْ أَيْ أَعْظَمُ وَأَشَقُّ وَأَكْبَرُ مِنْ كُلِّ مَا يَتَوَهَّمُ أَوْ يَدُورُ بِالْبَالِ إن المجرمين أي الذين أكثروا من فعل الجرائم وهي الذنوب العظيمة من الشرك وغيره وغيره من المعاصي في ضلال وسعر أي هم ضالون في الدنيا ضلال عن العلم وضلال عن العمل الذي ينجيهم من العذاب ويوم القيامة في العذاب الأليم والنار التي تتسعر بهم وتشتعل في أجسامهم حتى تبلغ أفئدتهم يوم يسحبون في النار على وجوههم التي هي أشرف ما بهم من الأعضاء وألمها أشد من ألم غيرها فيهانون بذلك ويخزون ويقال لهم ذوقوا مس سقر أي ذوقوا ألم النار وأسفها وغيظها ولهبها إن كل شيء خلقناه بقدر وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلوية والسفلية أن الله تعالى وحده خلقها لا خالق لها سواه ولا مشارك له في خلقها وخلقها بقضاء سبق به علمه وجرى به قلمه بوقتها ومقدارها وجميع ما اشتملت عليه من الأوصاف وذلك على الله يسير فلهذا قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون كما أراد الله كلمح البصر من غير ممانعة ولا صعوبة في الجي رحمه الله بل الساعة نعم En plus de cela, c'est-à-dire en plus de cette déroute qu'ont subi ceux qui ont traité de menteur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment le jour de Badr, en plus de cela, Allah Azza wa Jal leur donne un rendez-vous dans lequel ils seront réunis tous, ceux qui ont été tués ce jour-là, ou ceux qui ont profité de la vie et ceux qui ont profité de la vie par la suite. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit, بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ L'heure plutôt sera leur rendez-vous. Un rendez-vous dans lequel ils seront rétribués de leurs actions et où la justice sera faite. وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ L'heure sera plus terrible et plus amère. C'est-à-dire que l'heure sera plus immense et plus rude, et l'heure sera plus grande que ce que l'on pourrait croire ou que ce que l'on pourrait imaginer. Innal mujrimin, les criminels, c'est-à-dire ceux qui ont commis beaucoup de crimes. Et ces crimes, ce sont les grands péchés parmi le polythéisme et autres formes de désobéissance à Allah Azzawajal. Fi dhalalin wa su'ur, sont dans l'égarement et dans la folie. C'est-à-dire qu'ils sont égarés dans cette vie d'ici-bas. Ils sont loin de la science et des œuvres pieuses. C'est cette même science et ces œuvres pieuses qui pourraient les préserver du châtiment. Ils sont loin de tout cela et égarés de ce chemin. Ainsi, le jour du jugement, ils seront dans un châtiment douloureux. Le feu les enveloppera et leur corps s'enflammera jusqu'à brûler leurs entrailles. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ, le jour où on les traînera dans le feu sur leur visage. Le visage qui est le membre le plus honorable du cœur, du corps, pardon. Et la douleur du visage est plus dure à surmonter que les douleurs des autres endroits du corps. Ainsi, ils seront humiliés lorsqu'ils seront traînés dans le feu par leur visage. Et il leur sera dit, « ذُوقُوا مَسَّ سَقَرْ, goûtez au contact de Saqar, c'est-à-dire, goûtez au châtiment du feu, au regret que vous connaîtrez lorsque vous serez en enfer, goûtez à la rage et aux flammes du feu de l'enfer. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons certes créé toute chose avec qadar. Et ceci englobe l'ensemble des créatures d'Allah Azzawajal, qu'elles soient présentes dans le monde terrestre ou les mondes célestes. Allah Azzawajal est le seul qui a créé toutes ces créatures. Il n'y a point de créateur en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Personne n'a été associé à Allah dans la création des créatures. Allah Azzawajal a créé toutes ces choses par un décret qui a été précédé par sa science, subhanahu wa ta'ala. Un décret qui a été écrit et qui aura lieu au moment voulu et selon la mesure prédestinée. Et cela est simple pour Allah, de créer toute chose avec prédestination. وَمَا أَمْرُنَا, pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit, وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ, et notre ordre est une seule parole, il est effectif comme un clin d'œil. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il veut une chose, il lui dit « soit » et « elle est ». Et cette chose est présente et disponible comme un clin d'œil, sans aucun empêchement ni aucune difficulté. ثم قال رحمه الله ولقد أهلكنا أشياعكم من الأمم السابقين الذين عملوا كما عملتم وكذبوا كما كذبتم فهل من مدكر أي متذكر يعلم أن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة وأن حكمته كما اقتضت هلاك أولئك الأشرار فإن هؤلاء مثلهم لا فرق بين الفريقين وكل شيء فعلوه في الزبر أي كل ما فعلوه من خير وشر مكتوب عليهم في الكتب القدرية وكل صغير وكبير مستطر أي مسطر مكتوب وهذا حقيقة القضاء والقدر أن جميع الأشياء كلها قد علمها الله تعالى وسطرها عنده في اللوح المحفوظ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. Puis Allah Azza wa Jal dit, nous avons fait périr des peuples semblables. C'est-à-dire que nous avons fait périr des peuples semblables parmi les communautés qui vous ont précédé, qui ont fait comme vous avez fait et qui ont traité de mensonges comme vous avez traité de mensonges. Fahal mimuddakir, y a-t-il quelqu'un pour s'en souvenir? C'est-à-dire, y a-t-il quelqu'un pour vous rappeler? Y a-t-il quelqu'un qui sache la loi d'Allah sur les premiers et les derniers? Que la loi d'Allah sur les premiers et les derniers est la même. Et que la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la même façon que la sagesse d'Allah azza wa jal est dans la destruction et l'extermination de ceux qui ont traité les prophètes de menteurs, eh bien, vous êtes dans le même cas. Il n'y a pas de différence entre vous et eux. Et tout ce qu'ils ont fait est mentionné dans les registres. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait comme bien et mal est écrit contre eux dans les livres de la prédestination. Et tout fait, petit et grand, est consigné. C'est-à-dire qu'il est préservé et écrit. Et ceci est la réalité du décret et de la prédestination. Que l'ensemble des choses, toutes les choses, Allah Azza wa Jal a eu la science, a la science de ces choses. Et Allah Azza wa Jal les a consignées auprès de lui dans les planches préservées. Ce qu'Allah veut a lieu. Ce qu'il ne veut pas n'a pas lieu. Et ce qui atteint l'être humain ne pouvait lui échapper. Et ce qui lui a échappé ne pouvait l'atteindre. Et cela est l'un des piliers de la croyance à la prédestination. Et tout fait, petit ou grand, est consigné. Et les piliers de la croyance en la prédestination sont au nombre de quatre. Le premier pilier, c'est la science, qu'Allah Azza wa Jal a la connaissance de toutes choses. Le deuxième pilier, Al-Kitaba, l'écriture, qu'Allah Azza wa Jal a écrit ce qu'il a su. Le troisième pilier, Al-Khalq, la création, qu'Allah Azza wa Jal a créé toutes ces choses. Et le quatrième pilier, c'est la volonté d'Allah, que ce qu'Allah veut a lieu et ce qu'il ne veut pas n'a pas lieu. Thumma qala rahimahullah. إن المتقين لله بفعل أوامره وترك نواهيه الذين اتقوا الشرك والكبائر والصغائر في جنات ونهر أي في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من الأشجار اليانعة والأنهار الجارية والقصور الرفيعة والمنازل الأنيقة والمآكل والمشارب اللذيذة والحور الحسان والروضات البهية في الجنان ورضوان الملك الديان والفوز بقربه ولهذا قال في مقعد صدق عند مليك مقتدر فلا تسأل بعد هذا عما يعطيهم ربهم من كرامته وجوده ويمدهم به من إحسانه ومنته جعلنا الله منهم ولا حرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا تم تفسير سورة اقتربت ولله الحمد والشكر. Puis Allah Azza wa Jal dit, innal muttaqin, les pieux, c'est-à-dire ceux qui font preuve de piété vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, en accomplissant les ordres d'Allah et en délaissant ses interdits, ceux qui se sont prémunis du polythéisme, des grands péchés comme des petits. Fi jannatin wa nahar, seront dans des jardins et parmi des ruisseaux, c'est-à-dire qu'ils seront dans les jardins du délice. Les jardins du paradis, le paradis qui contient ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et ce que nul cœur humain n'a ressenti. Ils seront parmi les arbres aux fruits mûrs, parmi les rivières dont l'eau coule. Ils seront également dans des palais élevés, dans des demeures gracieuses. Ils bénéficieront de nourriture et de boissons exquises. Ils auront également des hur hisan. Ils auront des belles houris et ils auront également des jardins resplendissants. Ils bénéficieront de la satisfaction du roi des rois, subhanahu wa ta'ala, et ils gagneront le fait d'être rapprochés de leur Seigneur. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit, « Fi maq'ad sidqin 'inda malikin muqtadir » dans un séjour de vérité auprès d'un souverain capable de toutes choses. Ne demande pas donc, après avoir pris connaissance de tout cela, de ce qu'Allah Azza wa Jal leur donnera de par sa bonté et sa générosité subhanahu wa ta'ala, et ne demande pas les bienfaits et la bienfaisance dont ils profiteront de la part de leur Seigneur. Puis il dit, rahimahullah, qu'on fasse partie des gens du paradis, et qu'Allah ne nous prive pas du bien qu'il y a auprès de lui à cause du mal qu'il y a en nous. Ainsi se termine le tafsir de Sourate Iqtarabat et la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. On aktafi bihadha al-qadr. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.